Les parents grondèrent tout le monde, le policier, le facteur, les ouvriers de travaux publics, l'électricienne, la dame à sa fenêtre, le ramoneur et la cycliste et le cycliste. Tous retournèrent à leur activité, laissant là Lydie et Lottie qui, tristement, devaient reboucher au plus vite le trou qu'elles avaient creusé.